Les capitaines région Saint-Marinais Jean-Nicolas Berti et Massimo Andrea Ugolini ont fait parvenir un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Les dessinateurs lui ont formulé les meilleures félicitations à l'occasion du jour de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, avant de lui souhaiter santé, ainsi que prospérité, progrès et bien-être au peuple coréen.